La porte de Algol de Guillaume Apollinaire, enregistré pour LibriVox.org. La porte. La porte de l'hôtel sourit terriblement. Qu'est-ce que cela peut me faire, ô ma maman, d'être cet employé pour qui seul rien n'existe, puis mu couple, allant dans la profonde eau triste, ange vrai, débarqué à Marseille hier matin, j'entends mourir et remourir un chant lointain, humble comme je suis, qui ne suis rien qui vaille. Enfant, je t'ai donné ce que j'avais, travail. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.